Esdras chapitre 6. Alors le roi Darius donna ses ordres, et on rechercha dans le lieu où l'on tenait les registres, et où l'on mettait les trésors en Babylone. Et on trouva dans un coffre, au palais royal, qui était dans la province de Médie, un rouleau, et ce mémoire était ainsi couché par écrit. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus ordonna, que, quant à la maison de Dieu à Jérusalem, cette maison-là serait rebâtie, afin qu'elle fût le lieu où l'on fit les sacrifices, et que ses fondements seraient assez forts pour soutenir son fait, de laquelle la hauteur serait de 60 coudées, et la longueur de 60 coudées, et qu'on bâtirait 3 rangées de grosses pierres, et 1 rangée de bois neuf, et que la dépense serait fournie de l'autel du roi. Et quant aux ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, lesquels Nebuchadnezzar avait tirés du temple qui était à Jérusalem, et apportés à Babylone, qu'on les rendrait, et qu'ils seraient remis au temple qui était à Jérusalem, chacun en sa place, et qu'on les ferait conduire en la maison de Dieu. Maintenant donc, vous Tatenaï, gouverneur de Dela le fleuve, et Setarboznaï, et vos compagnons Apharsékien, qui est de Dela le fleuve, retirez-vous de là. Laissez faire l'ouvrage de cette maison de Dieu, et que le gouverneur des Juifs et leurs anciens, rebâtissent cette maison de Dieu en sa place. Et cet ordre est fait de ma part, touchant ce que vous aurez à faire avec les anciens de ces Juifs, pour rebâtir cette maison de Dieu, c'est que des finances du roi qui reviennent des tailles de Dela le fleuve, les frais soient incontinent fournis à ces gens-là, afin qu'on ne les fasse point chômer. Et quant à ce qui sera nécessaire, soit veau, soit mouton ou agneau pour les holocaustes qu'il faut faire au Dieu des cieux, soit blé, ou sel, ou vin et huile, ainsi que le diront les sacrificateurs qui sont à Jérusalem, qu'on le leur donne chaque jour, sans y manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux, et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses enfants. J'ordonne aussi, que quiconque changera ceci, on arrache de sa maison un bois qui sera dressé, afin qu'il y soit exterminé, et qu'à cause de cela on fasse de sa maison une voirie. Et que Dieu, qui a fait habiter là son nom, détruise tout roi et tout peuple qui aura étendu sa main pour changer et détruire cette maison de Dieu, qui habite à Jérusalem. Moi, Darius, ai donné cet ordre, qu'il soit donc incontinent exécuté. Alors Tatenaï, gouverneur de Dessa le fleuve, et Setarboznaï, et ses compagnons le firent incontinent exécuter, parce que le roi Darius le leur avait ainsi écrit. Or les anciens des Juifs bâtissaient, et ils prospéraient, suivant la prophétie d'Agé le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent donc, ayant posé les fondements par le commandement du Dieu d'Israël, et par l'ordre de Cyrus et de Darius, et aussi d'Artaxerxès, roi de Perse. Et cette maison de Dieu fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, en la 6e année du règne du roi Darius. Et les enfants d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, et le reste de ceux qui étaient retournés de la captivité, célébrèrent la dédicace de cette maison de Dieu avec joie. Et ils offrirent, pour la dédicace de cette maison de Dieu, 100 veaux, 200 béliers, 400 agneaux, et 12 jeunes boucs pour le péché, pour tout Israël, selon le nombre des tribus d'Israël. Et ils établirent les sacrificateurs en leur rang, et les Lévites en leur département, pour le service qui se fait à Dieu dans Jérusalem, selon ce qui en est écrit au livre de Moïse. Puis ceux qui étaient retournés de la captivité, célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Car les sacrificateurs s'étaient purifiés avec les Lévites, de sorte qu'ils étaient tout nets, c'est pourquoi ils égorgèrent la Pâque pour tous ceux qui étaient retournés de la captivité, et pour leurs frères les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Ainsi elle fut mangée par les enfants d'Israël qui étaient revenus, de la captivité, et par tous ceux qui s'étaient retirés vers eux de la souillure des nations du pays, pour rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils célébrèrent avec joie, la fête solennelle des pains sans levain pendant 7 jours, parce que l'Éternel leur avait donné matière de joie, en ayant tourné vers eux le cœur du roi d'Assyrie, pour fortifier leurs mains dans le travail de la maison de Dieu, le Dieu d'Israël.